la France a dépassé en 2017 le seuil des 6000 greffes reçues dans l'année, il n'en reste pas moins que le ratio receveur-demandeur reste encore très faible, de l'ordre de 1 pour 4 avec plus de 24 000 patients en attente. C'est l'un des problèmes majeurs que la science essaye de surmonter, notamment à travers les recherches en bio-ingénierie, mais aussi en xénogreffe et le succès récent de la transplantation de cœur de cochon fonctionnel chez le babouin. D'autre part, la recherche pour amoindrir les mécanismes de rejet et les thérapies immunosuppressives très lourdes trouve elle aussi de nouveaux débouchés, notamment via l'embryologie et l'immunothérapie. Bref, l'impossible puzzle biologique, c'est le programme qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces obstacles qui jalonnent encore le parcours de toute personne greffée et les différentes pistes pour y remédier, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sylvaine New. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-directrice de l'équipe INSERM Immunothérapie des Diabètes à l'Institut Cochin. Bonjour Gilles Blanchot. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut de Transplantation Urologie Néphrologie au CHU de Nantes. Vous pouvez nous suivre comme chaque jour en direct sur les ondes de France Culture, en différé via franceculture.fr ou en podcast sur votre application préférée et comme chaque jour en complément d'écoute de cette émission sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Alors pour commencer, eh bien nous sommes allés chercher dans notre boîte à archives en 1967, une date bien connue de tous les spécialistes de la transplantation, puisque le 3 décembre 1967 avait lieu la toute première transplantation cardiaque d'humain à humain pratiquée par le docteur Christian Barnard au Cap en Afrique du Sud. Écoutez la réaction quelques jours plus tard, le 28 décembre, du docteur De Georges. Il est vrai que la tentative de Barnard et de son équipe a résolu quelques questions et en pose d'autres. Durant ces 18 jours où le monde entier a été à l'écoute des battements de ce cœur greffé, toutes les réflexions qui ont pu être faites tournent autour de trois thèmes. La difficulté technique de la transplantation, la réaction du receveur à cette transplantation et puis aussi les questions d'éthique ou de morale qui peuvent se poser à cette occasion. La difficulté technique, en l'occurrence, on peut dire qu'elle a été vaincue et que c'est un succès technique total. Il est bien évident que nous sommes loin, là, de l'espèce d'improvisation avec laquelle, voici 2 ans, on avait greffé le cœur d'un chimpanzé à un mourant. Prélever le cœur du donneur, le mettre en circulation de façon à ce qu'il survive avec la machine, l'implanter en entier dans l'organisme du receveur, le faire repartir, tout ceci demande une singulière maîtrise. Et tout le monde savait, ou du moins tous ceux qui sont un peu au fait de ces travaux savaient, que c'était possible chez le chien. Mais au fond, personne n'osait espérer que c'était possible chez l'homme. La démonstration est faite, la preuve est acquise, et je crois que ceci est de toute façon un pas décisif dans la chirurgie cardiaque. Voilà, un pas décisif. Hein. En décembre 1967, c'est l'opinion du docteur De Georges. C'est une archive extraite de l'émission Médecine sans frontières. C'était sur l'antenne de France Culture. Peut-être un mot de réaction à cette archive, à ce que vous venez d'entendre, Gilles Blanchot. Bah écoutez, premier sentiment d'émotion, parce que la transplantation nous paraît désormais comme une activité de routine. Et en fait, on est véritablement sur une prouesse qui se réalise au quotidien maintenant. Et vous voyez la réaction en direct de cet éminent professeur de l'époque qui effectivement reconnaît le progrès scientifique énorme qui a été effectué. Ma deuxième réaction est qu'on parle du professeur Barnard, qui était effectivement très connu, qui a été très très connu à partir de ce moment-là, mais qui a été effectivement aussi un des grands précurseurs de la xénotransplantation. Il est cité cette expérience de cette greffe de babouin sur humain. C'est un chimpanzé. Ou de chimpanzé, oui, quelques années avant. En 64, je crois. Voilà, par l'équipe du professeur Barnard, qui donc a fait partie de ces pionniers. Mais il y a eu des succès à l'époque, du côté plutôt de la Nouvelle-Orléans, par le professeur Rimsma, qui lui aussi était un grand, grand pionnier de cette xénotransplantation, qui ensuite était parti sur New York et qui, lui, a obtenu un résultat tout à fait spectaculaire sur un de ses patients qui a vécu 9 mois avec un rein de chimpanzé, avec les immunosuppressions de l'époque, avec les niveaux techniques de l'époque. C'est une véritable prouesse du fait que à l'époque, la xénotransplantation était abordée sur le versant primate vers homme, et on va le développer dans l'émission. Maintenant, ce n'est plus du tout l'approche qui est possible et plus du tout celle qui est étudiée. Mais on avait déjà donc du coup montré la possibilité et le succès de ce genre de transplantation à l'époque sur modèle xéno déjà en rein. Sur cœur, ensuite, c'est passé chez l'homme. Mais le troisième élément que je voudrais rappeler ici, c'est que la xénotransplantation, précisément, puisqu'elle est citée ici, a été en fait la procédure très historique qui a montré la faisabilité des transplantations, c'est-à-dire de connecter un organe par ses vaisseaux sur les vaisseaux d'un autre individu, donc la transplantation d'organes vascularisés, qui avait déjà été appliquée dans les années 1904-1905 par plusieurs grands pionniers, Mathieu Jaboulet, etc., et qui sont des gens qui ont montré qu'il y avait une faisabilité technique de connecter des vaisseaux entre eux. Pour l'époque, avec l'arrivée de la miniaturisation des instruments, des fils, etc., c'était déjà une prouesse. Donc on savait que techniquement c'était possible, mais on n'avait pas eu de succès. Là, la grosse différence, et on va le voir quand on va évoquer ce dernier papier récent en xénotransplantation, c'est que là, il y a un véritable succès. Sylvain Niou, votre point de vue d'immunologiste ? Oui, en fait, cette interview nous rappelle, nous fait penser vraiment à quelle aventure formidable est la transplantation. Moi, je trouve que c'est absolument incroyable de se dire, on va prendre un organe chez quelqu'un et on va le transplanter chez une autre personne et ça va fonctionner, ça va marcher, on va permettre à la personne de vivre. Et c'est une aventure qui est absolument fabuleuse et on peut mesurer aussi tous les progrès qui ont été faits depuis ces années 60 jusqu'à maintenant, avec, comme vous le disiez, le nombre de transplantés qui a atteint plus de 6000 donc en 2017. Et aussi les trois aspects qu'a souligné le professeur, donc l'aspect technique, l'aspect immunologique avec le rejet et l'aspect éthique. Finalement, en fait, je pense que ces trois sujets sont toujours d'actualité et même si on a pu quand même beaucoup beaucoup avancer et avoir fait des progrès énormes dans ces trois domaines, le domaine technique, on sait beaucoup mieux conserver les organes, les gestes chirurgicaux sont beaucoup plus fins. Le problème immunologique, grâce aux immunosuppresseurs dont on va reparler après, on arrive quand même à beaucoup mieux maîtriser le rejet, même si encore ce n'est pas parfait. Restent les questions éthiques qui ont aussi quand même beaucoup évolué et qui se posent notamment pour la xénotransplantation. Et donc ça, ces trois aspects restent les trois grandes questions, les trois grandes problématiques et les trois grands thèmes qui tournent autour de la transplantation et qui sont assez fascinants en fait. Et qu'on va essayer d'aborder au cours de cette émission, peut-être avant de rentrer justement dans... On va d'abord parler effectivement de la xénotransplantation, puisqu'il y a effectivement, vous l'avez dit, Gilles Blanchot, un papier qui a été publié début décembre à ce propos avec des succès jusqu'alors pas encore réalisés, donc on va en parler dans quelques instants. On parlera du versant immunologique juste dans la deuxième partie. Peut-être un mot d'abord un peu pour cette introduction, de quelques chiffres justement sur aujourd'hui ce que sont la réalité des greffes en France ou dans le monde, si vous disposez de quelques éléments à nous donner l'un et l'autre pour qu'on sache à peu près où on se situe, Gilles Blanchot. Écoutez, la France se situe, dans un premier temps la France, parce que ce sont des chiffres que je connais un petit peu plus, se situe dans les pays les plus actifs en transplantation au monde. Jusqu'à peu, elle était même la troisième nation active en transplantation, derrière les USA et le Brésil. La Chine est en train de monter très très fort en charge, parce que une nouvelle organisation se met en place, et vous savez que jusqu'à présent, il y avait une énorme polémique, notamment sur le versant éthique vis-à-vis de la transplantation en Chine, parce que la majorité des donneurs d'organes en Chine étaient des individus condamnés à mort. Une énorme problématique, une énorme même polémique qu'on a toujours observée dans les congrès internationaux de transplantation, où il y avait toujours des opposants chinois. Ceci est en train de se corriger en Chine, et donc La procédure est en train de devenir une vraie procédure objective, je crois, et forcément avec la démographie chinoise, ils pratiquent déjà, je crois, actuellement plus de 10 000 transplantations par an. Donc nous sommes peut-être le quatrième pays de transplantation au monde, avec du coup pratiquement 60 000 patients en France qui vivent transplantés, tous organes confondus, avec, je pense, plus de 36 000 transplantations rénales, 18 000 transplantations de foie, à peu près 800 transplantations pancréatiques. Je n'ai pas exactement tous les autres chiffres d'organes. Plus de 4 600 transplantations de cœur, plus de 2 000 transplantations de poumons, et puis plus de 800 transplantations de pancréas. De mémoire, hein, ces chiffres-là. C'est à peu près les chiffres. J'essaie de remettre le nez dessus aussi. Qui doivent être actualisés, voilà. Je pense, sur maintenant la vision 2018, qui va arriver bientôt. Mais en gros, voilà, ce sont des chiffres. Ça donne en tout cas le gradient, c'est-à-dire les greffes les plus courantes sont les greffes de reins, devant celles du foie, du cœur, poumon, pancréas, et puis ensuite les greffes multiples, et quelques rares greffes d'intestin. Sylvain Niou. Tout à fait ça. C'est vraiment la greffe rénale qui est la première transplantation en France et dans le monde, je pense. Tout à fait. Et du coup, avec une particularité pour la transplantation rénale, pour le rein, puisque c'est la technique de suppléance qui vient aider la vie des patients insuffisants rénaux à côté de la dialyse. Et on a quasiment l'équivalent de patients en dialyse, à peu près 46 000 patients en dialyse pour bientôt 30 000, 40 000 patients transplantés. Donc vous voyez, on est à peu près dans un équilibre dialysé-transplanté. Et avec, alors du côté plutôt des limites, on a encore donc des listes d'attente, je l'évoquais, très longues, hein, de rapport de un receveur pour 4 personnes en attente à peu près, Sylvain Niou. Oui, j'ai regardé les chiffres là avant de venir aussi. C'est vrai qu'il y a à peu près 23 800 patients qui sont en attente. 000. Donc c'est vrai que c'est quand même un chiffre très très conséquent. Avec, si je me trompe pas, à peu près 500 personnes qui décèdent quand même faute de ne pas avoir reçu un organe à temps. Ce qui est quand même un chiffre tout à fait important et vraiment de pouvoir fournir plus de greffons. C'est quand même quelque chose vers lequel on cherche à aller pour vraiment optimiser la vie de ces patients. On peut préciser bien sûr, à ce niveau-là que dans la dynamique de ce qui se passe, on transplante plus, donc il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour un meilleur rendement de prélèvement des organes, et donc on transplante plus puisque on a augmenté de quasiment, on était à 4200 transplantations en 2006 pour passer quasiment à 6000 maintenant. Vous voyez, donc il y a eu un progrès tout à fait considérable, mais dans le même temps, le nombre de patients inscrits sur liste d'attente a augmenté beaucoup plus. Puisque on a, depuis 2012 par exemple, le nombre de patients inscrits en transplantation a augmenté de plus de 36%. Donc vous voyez que du coup le différentiel entre l'activité qui certes augmente la demande devient de plus en plus important. Et donc on a toujours cet écart qui s'accroît entre ce qu'on peut produire et la demande. Et ce qui va conduire notre discussion de tout à l'heure sur la bio-ingénierie, notamment les xénogreffes, c'est-à-dire comment augmenter le nombre d'organes à disposition qui ne soient pas uniquement issus de donneurs, la plupart du temps dans l'écrasante majorité, hein, en état de mort cérébrale. Peut-être, Sylvain Niou, un mot également aujourd'hui sur l'avancée des traitements immunosuppresseurs, parce qu'il faut rappeler que les traitements immunosuppresseurs, c'est à vie pour quelqu'un qui a reçu une greffe. Et il faut rappeler aussi, parce que ça on le sait peut-être un peu moins, qu'un greffon, ça ne dure pas toute une vie, que ça a une durée de vie un greffon, et que quand on est greffé, notamment quand on est greffé jeune, il faut souvent subir 2 greffes dans sa vie. Oui, c'est vrai que les traitements immunosuppresseurs, alors faut quand même dire que c'est quand même des outils formidables qui permettent la prise de greffe et la survie des greffons à un an qui est excellente, qui atteint 90-95%. Donc c'est quand même des outils fabuleux qui permettent vraiment la prise de greffe. Après, voilà, on a besoin de ces traitements de manière chronique, de manière continue, et ce qui est très lourd pour les patients. Ces immunosuppresseurs donc vont inhiber, donc vont bloquer le système immunitaire de manière générale et non de manière ciblée vis-à-vis du greffon, ce qui pose des problèmes importants en termes de risque infectieux, en termes de risque de cancer, de risque cardiovasculaire, de maladies opportunistes. Et donc ces patients sont très fragiles vis-à-vis de tous ces risques. Et effectivement, un greffon, il est quand même impacté par tout ce qu'il a subi du fait de son prélèvement, de la transplantation, des immunosuppresseurs qui sont de manière quotidienne, et des patients qui sont transplantés assez jeunes, souvent en fait ont besoin d'une deuxième greffe au bout de 20 à 25 ans de vie de greffon, ce qui est déjà très très bien, mais donc ça arrive. Donc c'est vrai que si on peut prolonger la survie d'un greffon, eh bien on garde d'autant plus de greffons disponibles pour d'autres patients, et ça c'est vraiment, je pense, une voie de recherche actuelle très importante. C'est vraiment de pouvoir prolonger la survie des greffons qu'on a déjà, parce que c'est ça l'important, c'est qu'on les a et on veut qu'ils fonctionnent le plus longtemps possible et que le patient vive avec ses greffons le mieux possible, parce que c'est la qualité de vie du patient aussi qui compte. C'est pas de vivre n'importe comment, c'est de vivre bien et correctement. Donc c'est là où les recherches en immunologie, en immunothérapie sont importantes et on espère permettre de réduire ces immunosuppresseurs. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, vous écoutez donc la méthode scientifique consacrée aux greffes et aux transplantations, à la recherche dans deux branches que nous allons évoquer maintenant. D'abord, donc concernant les greffons, le manque de greffons, comment faire, que permet la recherche aujourd'hui pour se substituer, quelles sont les voies de recherche pour augmenter le nombre de greffons disponibles pour des transplantations, et puis d'autre part, comment, comme vient de le dire l'une de nos invitées, Sylvie New, qui est immunologiste, comment réduire les traitements immunosuppresseurs, comment mieux les cibler et prolonger ainsi la vie des greffons. Voilà, ce sont les deux grands angles que nous allons traiter. Peut-être avec vous, Gilles Blanchot, pour commencer sur cette notion de xénotransplantation, puisque je rappelle, vous êtes chef des transplantations au CHU de Nantes. Et une publication qui nous a conduit à faire cette émission est datée du début décembre dernier, c'est dans la revue Nature, qui faisait état de deux babouins qui ont survécu plus de 6 mois avec un cœur de porc transplanté. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'importance ou la portée en tout cas de cette étude et de ce résultat, Gilles Blanchot? Absolument. Alors, on s'inscrit là encore, toujours pareil, dans l'histoire et dans une dynamique. Encore une fois, la xénotransplantation a été initiée et a montré que la transplantation était techniquement faisable dans les années 1900. On est allé jusqu'à faire des transplantations, on l'a aussi évoqué, d'organes de primates sur homme dans les années 60, et même jusqu'aux années 90, puisqu'il y a un foie de babouin qui a été greffé à Pittsburgh par le professeur Starzl, un grand pionnier de la transplantation hépatique qui aurait quasiment mérité le prix Nobel de médecine, mais qui avait déjà été donné à des transplanteurs auparavant, qui en 92 s'est soldé finalement par une espèce de polémique internationale qui a demandé un moratoire sur l'utilisation des organes primates chez l'homme. Pour différentes raisons. La première raison, c'est il y avait eu un échec au final de cette transplantation, même si ce n'était pas un échec dû à un rejet immunologique. Deuxièmement, il se pose le problème éthique d'utilisation de nos proches cousins, les primates, même si là c'était un primate moins proche, un babouin, alors qu'on sait maintenant, on connaît parfaitement le génome de ces animaux et ce sont véritablement nos proches cousins. Je rappelle que nous partageons quasiment 98% d'homologie dans notre génome avec les chimpanzés, donc ce sont nos très proches. Je crois même qu'avec les chimpanzés on est au-delà de 99, hein, au-delà de 99%. 98.7, bon. Plus exactement, mais voilà. Sur les exons, mais pas sur toutes les séquences génétiques. Mais voilà, donc peu de différences génétiques qui fait quand même suffisamment de différences d'espèces et qui fait que du coup la notion d'utiliser une autre espèce à dessein pour l'homme pose un véritable problème éthique. Et autre problème majeur, le risque viral de transmission de rétrovirus d'origine primate chez l'homme, du fait précisément de cette proximité d'espèces, le risque de recombinaison de séquences rétrovirales de primates avec l'homme pour générer potentiellement de nouveaux types de virus et sur la Terre, ou une transmission directe de rétrovirus chez l'homme. C'est ce qui s'est passé pour le VIH, manifestement. Le VIH étant effectivement à l'origine un virus que l'on a retrouvé chez les chimpanzés, notamment, et les bonobos en Afrique au début du XXe siècle. Absolument. Et donc, qui existait certainement depuis beaucoup plus longtemps que ça. Qui existait depuis bien longtemps, ce qu'on appelle des rétrovirus endogènes, mais probablement les transferts chez l'homme se sont passés dans les années 50 et à la faveur de recombinaisons raison le temps a mis à peu près 30 ans pour justement aller jusque-là. On va vous remettre le lien. On avait consacré une émission à l'histoire du VIH. Les premiers transferts chez l'homme sont même datés maintenant du tout début du XXe siècle, hein, au début des 1902-1908, je crois, dans ce qui est l'actuelle République démocratique du Congo. Mais encore une fois, ce n'est pas le thème de cette émission. On va vous remettre le lien vers l'émission que nous y avons consacrée. Revenons à nos babouins, si vous le voulez bien, et à cette étude, Gilles Blanchot. Pourquoi cette étude est-elle importante et comment s'inscrit-elle justement dans la recherche en xénotransplantation qui, malgré tout, se poursuit sur des modèles animaux? Alors, elle est très importante parce que elle montre enfin un succès de survie très prolongé dans une situation orthotopique, dite orthotopique, c'est-à-dire en situation anatomique, c'est-à-dire que les babouins qui ont été greffés avec ces reins de porc ont vécu ont vécu avec une tension artérielle, un volume d'éjection systolique, etc., qui était dû au fonctionnement d'un cœur de porc. Donc on est véritablement ceci est une première parce que jusqu'à présent le dernier grand succès qui avait été obtenu, qui est relativement récent, avait été obtenu au NIH où là des cœurs en situation hétérotopique, c'est-à-dire pas anatomique, en situation branchée avec le cœur autologue, le vrai cœur de l'animal toujours en place. C'est-à-dire qu'on laisse le cœur, mais il est non fonctionnel. Hein. C'est-à-dire qu'on le relie au réseau vasculaire. Voilà. Il bat. On est capable de dire qu'il est fonctionnel, qu'il a une activité électrique, qu'il a des contractions, mais on n'est pas capable de dire s'il a un fonctionnement physiologique que peut donner une situation anatomique. Donc, cette première expérience-là, des années 2014-2015, avait déjà été un progrès considérable, puisqu'il a été montré par cette équipe du NIH que ces organes avaient vécu plus de 3 ans. Donc, c'était une percée absolument phénoménale. À la faveur de quoi ? À la faveur de progrès qui avaient été obtenus dans la transformation génétique des donneurs porcins, des animaux hautement sophistiqué, avec une double modification génétique, ce qu'on appelle d'abord une transgénèse, faire exprimer et rentrer chez ces animaux des molécules qui viennent en quelque sorte protéger l'organe une fois transplanté, en quelque sorte empêcher le rejet ou participer à sa protection, et en même temps des animaux KO, c'est-à-dire chez lesquels on a invalidé l'expression d'un certain gène qui code pour l'antigène principal que l'on reconnaît à la surface de ces organes. Donc alors, on se retrouve sur les organes. Oui. Juste un mot là-dessus sur cette notion d'antigène à la surface. L'antigène, c'est grosso modo ce qui recouvre absolument toutes nos cellules pour distinguer le soi du non-soi. Hein. Voilà. Je le dis rapidement sous votre contrôle, mais c'est pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Oui, avec la particularité qu'entre espèces différentes, ce ne sont pas les mêmes antigènes qui sont reconnus. Et donc, la possibilité d'identifier quels sont les vrais gros antigènes différentiels contre lesquels on développe une réponse xénogénique, une réponse anti-organe de l'animal. Et à la faveur de cette découverte, l'évolution a été d'essayer de supprimer l'expression de cet antigène. Donc, vous vous retrouvez avec un organe qui est d'origine animale, mais qui n'exprime pas la grande cible principale contre laquelle on va venir nous défendre avec notre défense immunitaire. Qui est un peu neutralisé en termes immunologiques, Sylvanie, si on résume. Oui, c'est vrai, parce que c'est vrai que ces antigènes, comme va le dire Gilles Blanchot, si vous les laissez, ils peuvent induire ce qu'on appelle un rejet hyper aigu, qui a lieu dans les minutes. Donc c'est extrêmement rapide. Donc c'est vrai que c'était un grand frein à la xénogreffe. C'est ce rejet extrêmement rapide, extrêmement sévère et puissant. Donc le fait de pouvoir éliminer par manipulation génétique ces antigènes, donc ces éléments étrangers qui vont vraiment booster le système immunitaire du receveur, si on les élimine, eh bien ça apporte quand même déjà une meilleure possibilité de pouvoir contrôler le rejet par derrière. Donc c'est quand même une belle avancée. Et du coup, ça pourrait justement diminuer, même par rapport à une autogreffe, alors pas d'une personne sur elle-même, mais entre même une allogreffe, oui. C'est le terme que je cherchais. Par rapport à une allogreffe, justement, du coup, ça crée une réaction immunitaire moindre que ne le créerait une allogreffe sans aucune modification génétique ? Je ne pense pas, non. Non, pas à ce point-là. Pas du tout, mais ça donne quand même, dans le contexte de la xénogreffe, ça donne quand même un frein à la réponse immunitaire. Mais elle reste de toute manière extrêmement, extrêmement puissante et difficile à contrôler. Mais dans ce papier, finalement, ils ont réussi à contrôler ce rejet de manière assez, assez impressionnante. Alors la réponse reste toujours aussi forte, parce que même si on invalide une cible principale, en fait, la biologie, le système biologique est tellement complexe et tellement régulé que derrière, d'autres molécules viennent prendre la place et en fait l'immunisation du receveur contre ses organes porcins va concerner d'autres antigènes finalement. Le porc reste un porc, même s'il est génétiquement modifié, et l'humain, ou ici en l'occurrence le primate, reste un primate, avec donc une reconnaissance de discordance d'espèces qui reste majeure. Mais donc du coup, à la faveur de cette difficulté majeure qui est la discordance d'espèces, réussir cette survie aussi prolongée est une véritable prouesse, parce que c'est la première fois qu'en situation orthotopique, donc anatomique, des animaux vivent donc avec une tension artérielle, une fraction d'éjection ventriculaire correcte, des fonctions diastoliques correctes, etc. À la faveur finalement de traitements immunosuppresseurs un peu supplémentaires par rapport à ce qu'on donnerait en situation humaine, allotransplantation classique, mais qui demeure quelque chose de tout à fait envisageable chez l'homme, à savoir, ce sont des associations de différents traitements un peu plus forts, qu'on appelle des inductions en tout début de transplantation, suivies de traitements d'entretien. Et l'astuce, ce qui a fait que ces deux animaux de cette dernière série qu'ils ont obtenue ont vécu plus de 6 mois avec. Le double de l'espérance qui était programmé au départ, hein. C'est-à-dire qu'il devait être euthanasié au bout de 3 mois pour vérifier l'état des organes. Tout à fait. Dans une expérimentation animale qui sont très très éthiquement encadrées, on définit des endpoints, des critères de succès de l'expérimentation. Et lorsqu'ils sont obtenus, on se doit d'arrêter. Dans leur expérimentation, c'était 3 mois. Finalement, le résultat était tellement favorable à 3 mois avec aucun stigmate de rejet qu'il a été décidé d'aller jusqu'à 6 mois pour 2 de ces animaux, et ils ont continué à avoir une aussi bonne fonctionnalité. Ils ont arrêté les traitements, et en particulier un des derniers traitements sur lequel ils avaient fait quelques progrès, et finalement les animaux ont repris une réaction normale et rejeté au final ces organes. Donc c'est la preuve que l'association de l'utilisation de ces donneurs très sophistiqués sur le plan génétique, sur le plan de la modification génétique, avec la préservation de l'organe très particulière, là aussi, qui est intéressante, et ce cocktail d'immunosuppression très particulier qu'ils ont obtenu, on a là, enfin, une espèce de cocktail de succès qui laisse présager des résultats intéressants, des possibilités intéressantes pour le futur. Alors, la question, c'est justement, quelles sont les possibilités que couvre cette étude, donc publiée, je le rappelle, début décembre, puisque on a entendu, et vous avez mentionné tout à l'heure, Gilles Blanchot, les obstacles éthique, hein, lié à la xénotransplantation notamment des primates vers l'humain, mais est-ce que ces obstacles sont moindres quand il s'agit en l'occurrence de porc, puisqu'il y a chez le porc une compatibilité plus forte vis-à-vis de l'espèce humaine, c'est pour ça que cette espèce-là est traitée. Pourquoi est-ce que finalement il n'y aurait pas d'obstacle éthique vis-à-vis de l'emploi de cochons génétiquement modifiés ou de porcs génétiquement modifiés pour des xénogreffes sur l'être humain? La question se pose. La question se pose pour toute utilisation d'organes d'origine animale. Ces recherches sont très encadrées. D'ailleurs, il y a eu une réforme des lois qui encadrent l'expérimentation animale récemment au sein de l'Europe, qui contraint très fortement nos travaux et qui nécessite qu'on se réorganise très fortement. Donc la dimension éthique existe. Personnellement, je ne la vois pas au niveau du porc de la même façon qu'au niveau du primate. Nous connaissons la discordance d'espèces majeure avec le porc. Le porc est un animal qui est utilisé par l'homme depuis des millénaires au profit de sa nourriture. Si on considère que de tels animaux pourraient devenir un jour des donneurs d'organes, ce sera toujours, quoi qu'il en soit, dans une situation extrêmement encadrée, sur des tout petits cheptels d'animaux très sophistiqués, totalement dédié à cette mission et né par césarienne, etc. Très, très, très encadré. Et la dernière dimension éthique qui est importante à évoquer aussi est la dimension religieuse, puisque si on s'adresse à l'animal porcin, vis-à-vis des religions musulmanes et même juives, la problématique se pose et a été d'ailleurs déjà évoquée au sein de l'organisation internationale par l'OMS dans le cadre de grandes conférences où des autorités religieuses ont été consultées avec a priori pas d'opposition à ce sujet. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, pour revenir sur ce sujet éthique, C'est vrai que quand j'étais en thèse, donc il y a 15 ans de ça peut-être. Donc vous avez travaillé sur la xénogreffe dilopancréatique de Porche-la-Souris. Voilà, c'est ça. Et donc il y avait un étudiant dans le laboratoire aussi qui avait préparé un questionnaire à fournir au grand public. Donc on l'avait partagé avec nos familles, nos amis, nos connaissances et autres qui ont bien voulu répondre à ce questionnaire sur la xénotransplantation et sur la possibilité. Accepteriez-vous, oui ou non, un organe de porc, puisque c'était vraiment le porc qui était en question à ce moment-là. Et sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui vous gênerait? Et est-ce que voilà, vous auriez est-ce qu'il y aurait des critères personnels, religieux, qui vous empêcheraient ou qui bloqueraient vos choix? Et donc, l'étudiant avait pu réunir un panel de personnes de différentes confessions. Et dans l'ensemble, les réponses étaient très positives, dire qu'à savoir que quelle que soit la religion, finalement, elle ne rentrait pas vraiment en compte, et on avait les mêmes pourcentages de personnes qui étaient tout à fait pour. Et si c'est élevé à combien, vous vous souvenez? Je ne sais plus, mais c'était du 90%, ah oui, je crois. Enfin, c'était très fort. C'était très fort. C'était vraiment, il n'y avait pas de rejet de ce genre de la possibilité de ce genre de pratique en fonction de sa religion. Donc, c'était intéressant, je trouvais. À ce propos, peut-être un mot rapidement aussi sur d'autres expérimentations qui contourneraient un peu les problématiques éthiques soulevées par la xénotransplantation, qui relèvent de la bio-ingénierie. Il y a plusieurs publications, notamment au mois d'août dernier, une équipe américaine qui a annoncé avoir réussi à greffer 4 cochons avec des poumons issus de bio-ingénierie. On parle également peut-être d'une dizaine de patients dans le monde humain déjà qui vivraient à l'heure actuelle avec des vessies issues de la bio-ingénierie. Aujourd'hui, est-ce que reconstruire des organes à partir de cellules humaines, de structures animales, est-ce que ça permettrait justement de contourner un certain nombre de ces problèmes éthiques, Gilles Blanchot? Absolument, ça fait partie des voies de recherche très importantes. La régénération d'un organe pour régénérer une fonction, mais ça pourrait concerner aussi éventuellement la régénération d'un greffon, puisque, comme l'a rappelé tout à l'heure Sylvain, nos organes transplantés n'ont pas des durées de vie illimitées, et on identifie de plus en plus les raisons des pertes de fonction, le rejet chronique, etc. Et on peut imaginer dans ces conditions que par des approches de telle sorte, on pourrait éventuellement régénérer ces organes. Alors, pour ce qui concerne les organes bio-artificiels, c'est une grosse voie de recherche importante à partir de cellules souches, pas forcément d'origine animale. On peut imaginer l'utilisation d'organes qui ont été décellularisés, dont on ne garde que la trame. Et qu'on ce qui s'est passé pour les poumons, hein. On garde vraiment l'enveloppe cartilagineuse. Exactement. Et en fait, on fait pousser des colonies de cellules à l'intérieur recoloniser. Et qui vous rendent à nouveau un organe fonctionnel capable de faire le transfert de l'oxygène, enfin des gaz. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Pour les vessies ou les voies urinaires, comme vous l'évoquez, effectivement, il y a déjà des succès tout à fait intéressants obtenus à partir de trames, de ce qu'on appelle des scaffolds, des squelettes. Reconstitués à partir de cellules souches qui sont également des succès. Et puis il y a d'autres approches qui arrivent de plus en plus sur la fabrication d'organoïdes, c'est-à-dire des organes un petit peu chimères dans les issues soit de mix de cellules soit de cellules souches qui arrivent aussi, notamment beaucoup pour le pancréas et vis-à-vis du diabète. Et puis il y a une dernière avancée très très importante qui arrive, qui là nous ramène à nouveau vers l'animal, qui est l'utilisation de l'animal comme une espèce de bioréacteur pour fabriquer des organes humains. À savoir que il y a des expériences tout à fait positives, enfin avec des résultats tout à fait spectaculaires qui ont été obtenus avec ce qu'on appelle la complémentation du blastocyste, c'est-à-dire que si vous prenez un embryon et que dans cet embryon vous venez introduire des cellules d'un autre embryon différent, vous pouvez avoir des cellules et des organes de cet autre embryon qui peuvent se développer au sein de l'animal porteur au départ. Et donc il y a des expérimentations qui ont été faites comme ceci, notamment dans des modèles porcins, où certaines équipes, ça se fait beaucoup au Japon, en Corée, ont obtenu le développement d'organes d'un autre animal dans un premier animal, à partir du stade embryonnaire. Donc on pourrait imaginer, donc la finalité majeure de cette approche est de faire générer des organes humains au sein d'un porteur porcin. On va rappeler que ces bio-ingénieries, tous ces systèmes-là sont encore vraiment à des étapes de recherche très précoces, qu'on est encore très très loin de l'utilisation massive, qu'on est encore très loin d'être capable de construire des poumons qui fonctionnent ou des organes complexes vascularisés. Ça avance. Voilà, mais c'est important de dire qu'on est à des stades de recherche très précoces pour ne pas donner l'impression que demain on va pouvoir faire pousser des poumons dans des cuves. Non, il faut pas faire croire ça. Alors, ça fait, on est dans la recherche. Il ne faut pas faire croire trop vite aux gens qu'on va vers un succès, parce que on peut prendre l'exemple de l'histoire. Dans les années 90, quand les premiers organes transgéniques sont arrivés, et on pensait qu'on allait faire un véritable progrès. Un vrai progrès est arrivé, puisqu'on a réussi à prévenir le rejet hyperaigu, le rejet qui arrive en quelques minutes, comme l'a rappelé Sylvaine. Mais certains individus, certains porteurs de ces projets de l'époque, avec des visions un peu marketing, ont un petit peu trop fait savoir trop précocement qu'on allait vers un succès très proche, et alors qu'en fait on était très très loin de tout ça, et en fait on a fait beaucoup de mal à la recherche en transplantation, en xénotransplantation, avec une perte de confiance avec le temps, où les gens ont vu que finalement ça ne marche toujours pas, alors qu'en fait on est sur de la recherche véritablement frontière, on est sur des nouvelles approches limites, new age of research, et donc le nouvel âge de la recherche, parce que new age ça fait référence à autre chose. On cherche des preuves de concept aussi. Sens fil du rasoir, en fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des approches qui sont très très très, qui poussent très loin l'approche de pionnier, mais qui sont très importantes parce qu'elles nous font faire des progrès dans plein de domaines différents. Heart Skipped Beat de groupe DXX sur France Culture à 16h40. Nous parlons du cœur qui rate un battement. C'est celui qu'on transplante, non, parce que celui qu'on transplante, on espère au contraire qu'il n'en rate aucun. Nous parlons donc en tout cas de greffe et de transplantation et de recherche fondamentale dans ces domaines. Nous en parlons avec Sylvain New, qui est co-directrice de l'équipe INSERM Immunothérapie des Diabètes à l'Institut Cochin, et avec Gilles Blanchot, qui est directeur de l'Institut de Transplantation Urologie Néphrologie au CHU de Nantes. Alors, on a parlé des xénogreffes, de bio-ingénierie. L'autre voie de recherche pour améliorer les greffes et leur tolérance par les receveurs, ça concerne donc l'immunologie, avec à terme l'objectif de diminuer significativement les doses d'immunosuppresseurs qui sont prises, je le rappelle, quotidiennement par les greffés pour tolérer leurs greffons. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu à l'hôpital Saint-Louis à Paris, au laboratoire d'immunologie de la transplantation, où une équipe s'est inspirée de l'immunité du fœtus pour conduire ses recherches. Oui, je suis allée voir l'équipe de Nathalie Roisse-Fraisse, qui est directrice du laboratoire, et qui s'est inspirée des mécanismes d'inhibition du fœtus. Parce que finalement, le fœtus peut être considéré comme une semi-greffe pour la mère. Alors, comment expliquer le fait qu'il ne soit pas rejeté par l'organisme ? Eh bien, c'est parce qu'il libère des molécules qui le protègent du système immunitaire maternel. Cette stratégie a été exploitée par l'équipe, qui a pu ensuite développer une nouvelle piste en immunologie de la transplantation. Il y a plus de 20 ans, nous avons mis en évidence une molécule qui joue un rôle très important dans la tolérance de l'embryon par le système immunitaire de la mère. Alors ça peut paraître tout à fait éloigné de la transplantation, mais pas tant que ça, parce que l'embryon, finalement, quand on le regarde d'un point de vue immunologique, c'est une greffe, en fait, puisque la moitié des antigènes de l'embryon viennent du père. Et d'après les lois de l'immunologie, ces antigènes devraient être reconnus par le système immunitaire de la mère et entraîner un rejet de l'embryon. Alors, nous étudions cette molécule HLA. HLA, c'est pour Human Leukocyte Antigen. Ce sont des protéines de surface qui jouent un peu le rôle d'une carte d'identité pour la cellule. Exactement. Et ce sont ces molécules HLA classiques qui font que l'embryon va être une greffe semi-allogénique pour la mère. Et cette molécule HLAG va permettre à l'embryon d'être protégé de l'attaque par les cellules du système immunitaire de la mère. Donc ici, on est vraiment donc à l'hôpital Saint-Louis, mais dans la partie du CEVA. Alors voilà, donc là, nous sommes dans la partie laboratoire avec, comme vous pouvez le voir ici, une pièce de culture cellulaire où d'ailleurs nous étudions les cellules des patients transplantés. Avec donc vous recevez tout type d'échantillons, que ce soit des cellules cardiaques, pulmonaires, alors on reçoit des biopsies, donc des tissus greffés incluant paraffine sur lesquels nous allons faire des marquages pour voir l'expression d'HLAG. Lorsqu'il y a un greffon pulmonaire qui est effectué, ce greffon pulmonaire part en anatomopathologie pour le patient, bien sûr, pour évaluer la fonction du greffon. Et puis nous récoltons ces cellules épithéliales bronchiques, donc qui proviennent vraiment directement du greffon, hein. Nous les étudions d'un point de vue de l'expression d'HLAG et après nous les mettons dans des expériences fonctionnelles face aux cellules T du receveur. Tout ça se fait dans la même journée, donc c'est assez lourd. Et puis après, voilà, on regarde comment se passe la réactivité de l'un par rapport à l'autre. Là, nous arrivons devant une seconde pièce de culture cellulaire. Vous avez dans le fond un cytomètre de flux. C'est un appareil qui est extrêmement utile aussi pour nos études, puisqu'il nous permet d'aller regarder à la surface des cellules quelles sont les molécules qui sont exprimées à la surface des cellules. Donc voilà. Est-ce que c'est ici que vous avez fait votre découverte il y a quelques années sur l'action de cette protéine HLAG sur l'embryon et le fait qu'il soit protégé de la mère ? Oui, exactement, c'est ici. C'est un peu le point de départ de toute la poursuite de votre travail. C'est exactement le point de départ, puisque à partir de cette mise en évidence de cette fonction, nous sommes partis sur des problématiques en transplantation d'organes, en partant de cette même hypothèse qu'HLAG exprimé sur un greffon permettrait sa tolérance par le système immunitaire du receveur. Donc finalement, nous nous sommes dit que est-ce que lors de transplantation d'organes solides chez des adultes, nous n'allions pas avoir exactement ces mêmes mécanismes de tolérance qui allaient être mis en place et qui allaient permettre à certains patients de mieux tolérer leur greffe que d'autres. Et c'est comme ça que nous avons commencé nos recherches, tout d'abord en transplantation cardiaque, où nous avons d'ailleurs démontré pour la première fois et de façon tout à fait inattendue à l'époque, que cette molécule HLA-G n'était pas seulement retrouvée au niveau de la grossesse, mais était également retrouvée sur des organes transplantés, en l'occurrence là c'était le cœur, chez des patients. Et nous avons ainsi montré sur, à l'époque, une cinquantaine de patients, que pour une dizaine d'entre eux, on pouvait retrouver l'expression de cette molécule HLA-G sur le greffon cardiaque et de façon extrêmement intéressante sur le greffon pulmonaire avec une meilleure acceptation de la greffe. Est-ce que ça veut dire que cette production d'HLA-G est un phénomène spontané? Et si oui, est-ce qu'on peut le généraliser, comme vous l'avez dit, à beaucoup d'organes et l'amplifier? Alors là, je vais vous montrer le travail que nous avons mené en transplantation cardiaque. Donc là, vous voyez, lorsqu'on compare les patients qui expriment HLA-G sur leur greffon à des patients qui ne l'expriment pas, on voit que les patients qui expriment HLA-G ont un nombre d'épisodes de rejet aigu significativement plus faible que les patients qui n'expriment pas HLA-G et n'ont aucun rejet chronique. Alors après, on peut passer en transplantation pulmonaire. Donc là, on voit bien un marquage au niveau de la bordure de cellules épithéliales bronchiques. On le voit un peu plus clairement sur cette photo avec un grossissement plus fort. Voilà, on voit vraiment une expression d'HLA-G au niveau des cellules, les cellules épithéliales bronchiques. On voit que les groupes en rejet aigu et en rejet chronique, on ne trouve jamais d'expression d'HLA-G au niveau de leurs cellules épithéliales bronchiques, contrairement au groupe stable où on a une expression d'HLA-G qui est significativement plus élevée. Donc le phénomène est assez compris et maîtrisé aujourd'hui. Comment on pourrait s'en servir pour des thérapies post-opératoires? Alors en fait, ces travaux ont deux grandes applications. On pourrait imaginer déjà une première application de suivi du patient, comme on dit de monitoring, c'est-à-dire qu'une recherche systématique d'HLA-G au niveau du greffon de patients transplantés permettrait de repérer des patients qui, de façon naturelle, expriment cette molécule de tolérance et chez lesquels on pourrait réduire le traitement immunosuppresseur, qui est quand même associé à des effets secondaires importants. Et puis, il y a une autre application de nos travaux, qui est une application d'ordre thérapeutique, c'est-à-dire ces patients qui n'expriment pas HLA-G, on pourrait leur administrer la protéine et à ce moment-là, leur permettre d'avoir une molécule naturelle qui permettrait une meilleure acceptation de leur greffon. Voilà, quand l'embryologie vient en renfort, en complément de la recherche en immunothérapie et autour des transplantations, votre réaction à ce que vous venez d'entendre, Sylvanie? Mais c'est vrai que c'est une piste très intéressante et le fait que le fœtus soit complètement accepté par la mère, c'est vrai qu'il peut être considéré comme un greffon, enfin semi-allogénique, puisqu'il y a quand même la moitié qui provient de la mère, la moitié qui provient du père. Mais c'est absolument fabuleux ce qui se passe. Et c'est vrai que je pense qu'on peut vraiment utiliser tous ces mécanismes qui sont mis en place par le fœtus pour être toléré par la mère et puis l'appliquer après en transplantation d'organes chez les patients adultes. Et cette molécule HLA-G, elle est très connue maintenant. Ces travaux, d'ailleurs, le montrent et soulignent l'importance de cette molécule et de pouvoir effectivement l'utiliser comme marqueur de patients qui sont peut-être, qui reçoivent peut-être trop d'immunosuppression et qui, chez qui on pourrait donc diminuer cette immunosuppression. Ce serait quand même un outil très intéressant et ça permettrait justement aux patients de mieux vivre, d'avoir une survie de leur greffon plus importante. Et après, si effectivement, si on peut l'utiliser, cette molécule HLA-G, comme outil thérapeutique, si on peut l'administrer aux patients pour permettre une meilleure survie du greffon, je pense que c'est pas pour tout de suite sans doute, mais c'est une piste de recherche tout à fait intéressante. Parlez-nous justement aujourd'hui de vos recherches et des recherches en immunothérapie. Comment l'immunothérapie aujourd'hui peut permettre de réduire? Vous parliez tout à l'heure, et je crois que c'est un concept assez important, d'immunosuppression à la carte, ou en tout cas pas d'une immunosuppression qui serait globale, mais qui serait vraiment réduite à l'acceptation par le corps du greffon comme soi et non plus comme non-soi. Quelles sont les pistes de recherche oui, dans ce sens-là, Sylvanie? Actuellement, les traitements immunosuppresseurs, ils vont fragiliser de manière globale donc le système immunitaire du receveur. Alors, donc maintenant, ce qu'on cherche vraiment à avoir, c'est un contrôle des cellules vraiment responsables du rejet, mais on ne veut pas contrôler les cellules qui vont nous aider à nous battre contre les infections, contre les cancers. Celles-là, on veut qu'elles soient là, on veut qu'elles soient actives. Nous, ce qu'on veut, c'est contrôler uniquement celles qui vont être impliquées dans le rejet. Et ça, c'est assez difficile à faire puisque on ne connaît pas actuellement de marqueurs ou de molécules qui sont strictement spécifiques de ces cellules impliquées dans le rejet. Quelles sont-elles ? C'est sur les lymphocytes T ? Alors, ce sont beaucoup les lymphocytes. Enfin, en partie les lymphocytes T sont très importantes pour médier le rejet cellulaire. Donc mais les lymphocytes T, quand ils s'activent vis-à-vis d'un greffon, ils vont exprimer des molécules qui sont finalement les mêmes que quand ils s'activent vis-à-vis d'un virus ou vis-à-vis d'une cellule cancéreuse. Donc le fait de cibler ces molécules, il faut faire attention puisque on peut arriver finalement également à une immunosuppression trop générale. Donc c'est là où de connaître comment se passe le rejet, de connaître aussi vraiment la cinétique du rejet. Quelles cellules, quelles molécules sont appliquées, à quel moment par rapport au rejet. C'est très important parce que ça permet après de définir des fenêtres thérapeutiques où on pourrait appliquer des immunothérapies donc qui vont cibler une molécule ou cibler un type cellulaire qui va exprimer de manière très importante une molécule donnée, par exemple, mais contrairement à d'autres cellules qui vont du système immunitaire. Mais ça reste toujours un rapport bénéfice-risque et qu'il faut pouvoir mesurer. Et c'est des démarches qui sont assez compliquées. Alors, en transplantation expérimentale chez l'animal, il y a des outils qui marchent très bien pour prévenir le rejet de greffe, comme des anticorps anti-CD3, par exemple. Ce sont des anticorps monoclonaux. Voilà, des anticorps monoclonaux qui vont cibler lymphocyte T. A priori, ils ciblent tout lymphocyte T, mais finalement, in vivo, ce n'est pas vrai. Ils vont cibler les lymphocytes T qui sont activés. Donc, ça veut dire que ceux qui sont activement engagés dans le rejet de greffe. Mais nous, ce qu'on a montré au laboratoire dans lequel j'étais donc avant à l'hôpital Necker, c'est qu'il y a une fenêtre thérapeutique précise où l'anticorps a une activité de suppression, mais une activité de tolérance aussi. Et cette fenêtre thérapeutique, elle est très clairement définie et elle est après la greffe. C'est-à-dire qu'on a d'abord greffé nos îlots pancréatiques allogéniques, c'était notre modèle à l'époque, et on a attendu en fait que le système immunitaire se mette en route, que le système immunitaire s'active, et là on a traité avec l'anticorps anti-CD3 pendant 5 jours, c'est tout ce qu'on a fait, et on a obtenu dans 90% des cas une survie des greffons à 100-200 jours. Mais c'est tout ce qu'on a fait. Donc avec aucun traitement immunosuppresseur a posteriori ? Non, rien d'autre. Ça a très très bien marché, mais il y avait une fenêtre thérapeutique précise à trouver et à respecter. Et je pense que c'est valable aussi pour toutes les autres immunothérapies qui vont cibler d'autres molécules qui sont impliquées dans l'activation lymphocytaire notamment. C'est de trouver le bon moment, la bonne dose, le bon traitement. Et chez l'homme, on ne peut pas attendre, évidemment, de quelques jours avant de traiter par des immunosuppresseurs. Le risque est beaucoup trop grand. Donc, il faut pouvoir jouer avec les immunosuppresseurs actuels et rajouter ces immunothérapies, mais à un moment donné. Et je pense, et dans une fenêtre thérapeutique donnée. Et c'est là où... Et qui reste à définir, évidemment, voilà, sur les protocoles expérimentaux. Voilà, mais c'est là où de mieux connaître le rejet, de mieux définir les patients qui seraient susceptibles de recevoir ces immunothérapies, c'est toujours une des pistes de recherche très, très importantes en clinique. Pour en savoir un peu plus hein, sur ces anticorps monoclonaux, sur l'immunothérapie, là aussi, on n'a pas le temps de revenir sur tout, mais on va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission que nous y avions consacrée. On avait consacré une émission entière pour bien expliquer toutes les pistes de recherche, et notamment, il était déjà question de ces anticorps monoclonaux sur les mécanismes d'immunosuppression après transplantation. Gilles Blanchot. Oui, la problématique chez l'homme est extrêmement complexe parce qu'en fait, il y a les lymphocytes T qui vont agir, mais il y a plein d'autres cellules qui vont être impliquées en fait dans la réaction de rejet, les lymphocytes B, les monocytes. Il y a de plus en plus de données qui montrent aussi que maintenant les cellules NK, natural killer, avec l'aide des anticorps, vont venir aussi être des agents qui vont venir bloquer. En fait, du coup, on se retrouve avec des cocktails d'immunosuppression à mettre en place qui consistent à bloquer les différents types cellulaires potentiellement impliqués. Et effectivement, comme le disait Sylvain, c'est difficile d'identifier une molécule ou une population cellulaire particulière. Mais en fait, les outils de plus en plus fins de dissection de la réponse immunitaire font que on voit la réponse immunitaire comme véritablement quelque chose de très complexe avec plein de sous-populations différentes, des populations activatrices, régulatrices, etc. Et dans les nouvelles immunothérapies, justement, une des approches est d'essayer de jouer sur les voies activatrices en préservant les voies régulatrices ou les populations régulatrices, qui peuvent être aussi bien dendritiques que des cellules T régulatrices ou B régulatrices. Et donc, par ces approches qui commencent justement à montrer que le système est beaucoup plus complexe, on va vers des immunosuppressions qui vont plus cibler vers les voies activatrices en respectant les voies régulatrices et qui peut-être vont nous permettre de donner moins de traitements tout en gardant une immunocompétence à notre patient vis-à-vis du reste de l'environnement, les virus, les cancers. Sylvain Nieu, justement, il y a plusieurs types d'essais. Alors, il y a eu des essais très radicaux avec la destruction de la moelle osseuse du receveur pour regreffer, faire une double greffe finalement avec une greffe de moelle osseuse. Mais alors moi, quand j'ai vu ça, je crois que les essais ont été interrompus parce que si on regreffe la moelle osseuse qui produit donc justement une grande partie des lymphocytes, et bien du coup, ça veut dire que le corps du receveur va finir par réagir contre ses propres organes initiaux. Je comprends pas très bien en fait le mécanisme de ce principe-là. Ou non, Gilles Blanchot plutôt. Ce sont des mécanismes de ce qu'on appelle la tolérance centrale, c'est-à-dire que l'individu devient une véritable chimère où il a ses tissus à lui et puis son système immunitaire qui est reconstitué est un système d'un donneur. Et donc l'organisme est fait de telle sorte que il met en place ce qu'on appelle la tolérance au soi et qui fait qu'il a des systèmes régulateurs dans la moelle, dans le thymus en particulier, qui est un organe qui va permettre d'éliminer les cellules qui sont nocives et qui attaquent le soi. Et donc, dans ces systèmes-là de tolérance centrale, on fait une espèce d'éducation où on va permettre à l'individu d'avoir un système immunitaire reconstitué, mais qui n'attaque pas aussi bien les organes du soi que le greffon. Alors, effectivement, ils n'ont pas été interrompus, ces essais-là, mais c'est la greffe de moelle en soi qui n'est pas exactement appliquée. C'est plutôt des systèmes de moelle, des systèmes myéloablatifs, c'est-à-dire qu'on ne fait pas totalement une greffe de moelle. On apporte de la greffe d'un donneur, de manière à ne pas trop immunodéprimer ce receveur avec des radiothérapies, etc. Comme on ferait pour une greffe de moelle classique. Bien sûr. Donc on n'en est pas à ce niveau-là, mais les tentatives qui ont été faites ont été très très spectaculaires parce que chez une partie conséquente de ces patients, il a été possible d'interrompre les traitements immunosuppresseurs avec un maintien des greffons. Mais ce sont des approches très particulières. Oui, très lourde. Oui. Sylvain Nieu, peut-être aussi un mot sur justement, Gilles Blanchot l'évoquait, sur d'autres essais, sur les cellules dendritiques ou sur de la médecine de précision, en quelques mots, puisqu'on arrive au terme de cette émission. Oui, c'est vrai qu'actuellement, il y a donc les essais, les stratégies actuelles s'orientent vers la thérapie cellulaire, c'est-à-dire qu'on va utiliser les cellules régulatrices du receveur, donc celles qui sont capables de contrer les cellules immunitaires responsables du rejet, donc ces cellules régulatrices. Maintenant, on sait très bien les isoler des patients, on sait très bien les expandre in vitro pour ensuite les réinjecter chez le patient au moment de la transplantation pour booster ces mécanismes de régulation et inhiber le rejet de manière durable. Là, c'est pareil, il faut faire attention de pouvoir effectuer ces thérapies cellulaires de manière ciblée, donc manière spécifique d'antigène du donneur, puisqu'on ne veut pas induire des cellules régulatrices qui vont bloquer toutes les cellules du système immunitaire du receveur. On veut que nos cellules régulatrices ne bloquent que les lymphocytes entre autres, responsables du rejet. Donc, on est dans une phase où on essaye de générer ces lymphocytes régulateurs, ces cellules régulatrices, mais qui vont être spécifiques de l'antigène du donneur pour avoir une réaction régulatrice, mais dédiée à la greffe. Une étude européenne en un mot, Gilles Blanchot, The One Study, qui est au CHU de Nantes, hein, qui est chez vous. Nous participons effectivement, nous, sur une approche de cellules dendritiques immatures. Mais effectivement, dans les nouvelles immunothérapies cellulaires qu'évoquait Sylvain, il y a aussi toutes les techniques nouvelles dont vous avez peut-être entendu parler en cancérologie, qui sont très très avancées désormais. Les CAR T-cells, vous avez peut-être déjà entendu parler. Les cellules CAR T. Chimeric Antigen Receptor T-cells, donc qui sont des cellules chimériques, porteurs de deux types de récepteurs, qui sont génétiquement génétiquement modifié, in vitro, mais dont le développement se fait aussi vers la transplantation maintenant, pas uniquement à viser immunothérapie anticancéreuse, de la façon dont, que décrivait Sylvain, pour les cellules du soi qui empêchent la réactivité contre le greffon. Et on aura l'occasion de reconsacrer effectivement une émission, parce qu'on en a souvent parlé de ces cellules CAR-T, on n'a jamais consacré une émission entière, ce sera le cas dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus nous parler de cette recherche en matière de transplantation. Merci Sylvain New, merci Gilles Blanchot. Un mot pour vous rappeler que samedi, c'est le premier forum France Culture, l'année vue par les savoirs. Ça se passe comme chaque année dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, toute une journée consacrée à un thème cette année. Pour le premier, comment vivre dans un monde à plus de 2 degrés, projetons-nous après justement le réchauffement climatique, comment faire. Dépêchez-vous si vous voulez assister à ce forum. Il y aura Adèle Von Rett, Emmanuel Laurentin, moi-même et puis d'autres producteurs de la chaîne. Il ne reste plus énormément de place, c'est gratuit, mais il faut vous inscrire sur franceculture.fr ou maisondelaradio.fr. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Jean-Frédéric à la technique. Demain, nous parlerons des courants marins. On se retrouve à 16h jusqu'à preuve du contraire.